Il est 13h, vous êtes toujours sur Radio Libertaire et c'est l'heure de l'émission C'est là que ça se passe. Nous sommes lundi 18 janvier 2016. Et oui, et normalement, il y a l'émission lundi matin sur le créneau 11h-13h tous les lundis. Mais cette semaine, il et elle n'ont pas pu venir. Tout simplement parce qu'une partie de l'émission est prise dans la fin de l'inventaire de la librairie Publico et que une autre est malade. Donc voilà, excusez-les pour ne pas avoir pu faire l'émission ce matin. Mais il et elle seront là la semaine prochaine. Alors c'est là que ça se passe, hein, vous le savez depuis 3 semaines maintenant. C'est l'agenda militant de la semaine avec des rendez-vous sur Paris et l'Île-de-France et aussi en région dans une troisième partie de l'émission avec un petit point sur une actualité internationale. Alors cette semaine, beaucoup de rendez-vous, hein, toujours beaucoup de rendez-vous sur Paris, sur l'Île-de-France, et puis tout à l'heure, ce sera des rendez-vous en région sur Rennes, sur Quimper, sur Lyon également. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul pour faire l'émission, car un autre animateur m'accompagne pendant l'émission, c'est Milan. Eh oui, c'est bien moi, bonjour à toutes et à tous, de nouveau. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de beau ? Eh bien, beaucoup de rendez-vous, comme je le disais, hein, sur Paris cette semaine. Hein, bien que, bon, l'émission, vous le savez maintenant, c'est quand même une liste de rendez-vous que je vous propose. Et bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Hein, je ne peux pas répertorier, ou ne peux pas vous diffuser plutôt tous les rendez-vous qui se passent près de chez vous. Parce qu'il faudrait déjà 4 à 5 heures d'émission pour pouvoir le faire. Et puis bon, ça se veut quand même seulement comme un relais de divers sites internet ou tracts ou qu'on peut trouver ici ou là de divers collectifs, syndicats ou encore de groupes de la Fédération anarchiste qui organisent des choses. Et donc je vous invite aussi, hein, à aller consulter les sites tels que Démosphère. Il y en a un certain nombre. En France, hein, c'est sur Paris, sur Bordeaux, sur Bayonne, sur plein d'endroits en France, vous avez un agenda Démosphère. Je vous conseille aussi d'aller consulter les sites mutualisés que sont Paris Lutte Info pour Paris et l'Île-de-France, Rebellion pour Lyon, Marseille Info Autonome ou encore IATA pour les infos sur Toulouse. Et donc, nous allons commencer les rendez-vous pour Paris Intramuros, avec notamment, donc aujourd'hui, à 18h, un rassemblement de soutien aux lycéens qui sont à la rue, dans le 20e arrondissement. Alors, c'est un rassemblement qui est organisé par RESF, qui est le réseau Éducation sans frontières. Et je vais vous lire un peu de leur texte d'invitation à ce rassemblement. Comme l'hiver dernier, de nombreux lycéens, mineurs isolés ou jeunes majeurs isolés, non pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sont à la rue. Dans le 20e arrondissement, malgré les nombreux échanges avec la mairie d'arrondissement et la mairie de Paris, rien ne bouge depuis. Et depuis 5 semaines, 5 lycéens et des lycées Édith Piaf et Étienne Dolet, qui sont dans le 20e arrondissement, donc 5 lycéens dorment dehors alors qu'ils sont scolarisés. Le collectif RESF et JIE Paris Est, appelle donc à un rassemblement ce soir à 18h, devant le gymnase des Vignoles, gymnase situé au 87 rue des Haies, donc dans le 20e arrondissement évidemment, et ce gymnase est accessible par les stations Maraîcher de la ligne 9 du métro, et aussi avec les lignes de bus 26 et 64 de la RATP, ou encore la ligne de minibus La Traverse de Charonne. Donc voilà, vous avez toutes les informations si vous avez envie de soutenir cette lutte et de venir participer à la solidarité envers ces cinq jeunes lycéens qui sont à la rue. Le mot d'ordre, c'est « aucun lycéen à la rue et soyons nombreux ». Donc soyons nombreux, d'autant plus que le froid s'installe hein, sur le pays et sur Paris. Hein, je pense, Mylène, que tu as dû ressentir ça, puisque ce matin, quand je suis parti pour le studio, il faisait moins 2 degrés dehors. Côté de Montreuil, on peut noter des températures plus ou moins positives au-dessus du zéro, mais cela reste peu agréable de dormir de toute façon à la rue dans n'importe quel cas. C'est évident. Net. Mais d'autant plus actuellement. Voilà. Et donc voilà, c'est ce soir à 18h devant le gymnase des Vignoles, 87 rue des Halles, dans le 20e arrondissement. Autre rendez-vous mardi 19 à 20h30. Vous avez un rendez-vous qui est donné par l'action anti-pub des reposeurs. Alors les reposeurs, c'est un collectif de personnes qui organisent de temps en temps une action qui se veut non dégradante et avec un risque légal très faible et qui consiste à recouvrir les affiches de quai du métro. De papillons repositionnels de type format post-it ou d'affichettes collées avec du ruban adhésif pour pouvoir les enlever et les repositionner sur plusieurs affiches tout simplement. Et donc c'est les reposeurs qui organisent ça demain à 20h30 et ça se veut un rendez-vous convivial, hein, c'est-à-dire que vous pouvez venir... comme ils le disent eux-mêmes et elles-mêmes, en famille, avec vos amis, vos grands-parents, l'ambiance est vraiment conviviale. Et le message, c'est tout simplement un ras-le-bol de la publicité. Hein. Quand je suis venu aujourd'hui et que j'ai pris le RER et le métro, c'est vrai qu'il n'y a pas... on ne sait plus où poser ses yeux, tellement que peu importe l'endroit où on regarde, je pense que tu partageras mon avis, hein, Mylène, l'endroit où on regarde, il n'y a que des affiches de publicité partout, en fait. C'est vraiment la publicité qui a envahi tous les lieux qu'on prend pour se rendre d'un endroit A à un endroit B, hein, peu importe la raison, mais c'est vrai que dans les transports en commun, il y a des encarts publicitaires vraiment partout. Et donc voilà, c'est les reposeurs qui organisent ça, et c'est à 20h30 demain. À 20h30, devant l'entrée du petit square situé devant l'église Saint-Ambroise, juste en face de la sortie de métro, la station Saint-Ambroise avec la ligne 9. Et si vous ne venez pas par le métro, vous pouvez aussi y accéder par le bus 56. Voilà pour les rendez-vous d'aujourd'hui et de demain. Alors un autre rendez-vous, cette fois-ci, mercredi 20 donc, à partir de 11h, ce sera une nouvelle manifestation, une nouvelle action hein, des grévistes du nettoyage. Alors je vous avais parlé de ces grévistes de la société OMS Paris Habitat la semaine dernière, avec une journée d'action, je crois que c'était mercredi ou jeudi dernier, où il y avait deux cars qui ont déambulé toute la journée avec diverses actions. Vous pouvez trouver des photos de cette journée d'action de la semaine dernière pardon, sur un site internet. Je pense que vous pouvez y accéder en tapant sur un moteur de recherche « Grève des salariés du nettoyage de Paris Habitat » et vous allez forcément tomber sur le lien. Donc vous avez des photos des actions de la semaine dernière. Et donc, cette semaine, rebelote, parce que la grève n'est toujours pas victorieuse. Hein, cette lutte n'est toujours pas victorieuse. Alors il faut continuer. Et ce sera une manifestation qui partira du siège de Paris Habitat pour se finir devant l'hôtel de ville de Paris. Alors, le siège de Paris Habitat est situé au 21 bis rue Claude Bernard, accessible à la par la station Sancier-Daubenton avec la ligne 7 du métro ou encore avec les bus 83, 91 et 21 de la RATP. Alors les revendications de ces grévistes hein, d'OMS, c'est la revalorisation des qualifications, le 13e mois, des équipements complets et des vêtements de travail entretenus par OMS, l'avancement de la date de paiement des salaires, c'est-à-dire entre le 15 et le 18, la prime de salissure, la subrogation en cas de maladie et le respect tout simplement du code du travail et de la dignité des salariés. La direction, quant à elle, leur a proposé une augmentation de 6 euros par mois, c'est-à-dire 4 centimes de l'heure. Vous comprenez bien que c'est dérisoire, hein. Enfin, c'est clairement pas en rapport avec le nombre d'heures et la pénibilité, quelque part, du travail effectué. Et ça, pour les plus bas salaires à temps complet. Donc, ceux qui sont à temps partiel ont donc, de la part de la direction, c'est une augmentation d'encore moins que 4 centimes de l'heure. Hein. Donc, on n'est vraiment pas clairement pas dans une lutte victorieuse, hein, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à lutter et à les soutenir, hein, parce que vous pouvez passer les voir tous les jours devant le piquet de grève, hein, parce qu'il y a un piquet de grève devant leur entreprise de travail. Alors, ce n'est pas le siège de Paris Habitat que j'ai cité juste avant, mais le piquet de grève est situé à l'angle des rues des Fougères et de la rue de Noisy-le-Sec. Et c'est dans le 20e arrondissement de Paris. Je crois qu'il y a la ligne de tramway, le 3B, qui passe par là, c'est et que c'est en gros c'est situé entre Porte des Lilas et Porte de Bagnolet, je pense, hein. Milan. Il n'y a pas une station intermédiaire? Je ne sais pas, mais géographiquement je pense que c'est... Géographiquement c'est entre les deux. Oui. C'est entre les deux, oui. Donc voilà, si vous voulez aller les soutenir, hein, parce que ça fait toujours plaisir de voir du monde, hein, qui vient soutenir la lutte, qui vient échanger un moment, une poignée de main, 5 minutes de discussion ou plus, apporter un café ou autre, hein, peu importe, mais voilà, pour avoir été... comme je l'avais dit, hein, des deux côtés, c'est-à-dire du côté gréviste à certains moments et du côté soutien, mais voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des soutiens, de voir qu'on n'est pas tout seul, isolé sur notre lutte, hein, tout simplement, et que bah voilà, c'est tous ensemble qu'on y arrivera, encore une fois. Donc vous pouvez toujours aller les soutenir sur le piquet de grève et ou participer à cette manifestation mercredi 20. À partir de 11h devant le siège de Paris Habitat, comme je l'ai dit, situé 21 bis rue Claude Bernard, accessible par le métro 7 à la station Sancier-Daubenton. Autre rendez-vous, ce sera le jeudi 21. Mais c'est un rendez-vous critique cette fois-ci parce que j'appelle plutôt à ne pas y aller. Vous allez comprendre, enfin j'espère, hein, selon la clarté de mes paroles, vous allez comprendre peut-être pourquoi. C'est-à-dire que c'est une journée de... Alors il va y avoir une petite grève et une petite manifestation. Le problème, c'est que c'est de la part de la CGT Mines Énergie. Alors... Non pas parce que c'est la CGT que je n'appelle pas à y aller, mais c'est surtout parce que ce sont des travailleurs de l'énergie et que je considère à un moment donné que si nous sommes libertaires et que nous voyons la société sous un prisme révolutionnaire, hein, Milan, tu en conviendras, ou en tout cas anti-autoritaire, je pense que le nucléaire ne fait pas partie du futur. Et ne fait pas partie de la future construction d'une société fédéraliste, comme nous le voulons, en tant qu'anarchistes. Et du coup, ce type de rendez-vous me pose personnellement problème. Alors, quand même, pour éclaircir mon propos, il y a des menaces de licenciement. Bon, je le conçois et je suis de tout cœur et de toute solidarité avec ces personnes qui risquent le licenciement. Mais le problème, il est que dans le tract diffusé par la CGT Mines Énergie, la CGT exige l'arrêt de la casse des emplois, dans nos entreprises d'énergie et du nucléaire. Alors, bon, le problème, il est que, moi, je me situe pour le démantèlement des centrales nucléaires. Alors, je veux bien maintenir les salariés et les employés dans ces structures, mais seulement s'ils démantèlent. Et non pas si, pour continuer à enfouir des tonnes et des tonnes de déchets radioactifs qui seront encore radioactifs dans 100 000 ans. Alors, je ne sais pas si vous vous représentez ce que c'est 100 000 ans, mais essayez de vous représenter ce qui se passait sur la planète il y a 100 000 années. Bon, bah, les espèces évoluent, tout ça. Et ben, dans 100 000 ans, tous ces déchets nucléaires seront toujours là et n'auront pas varié d'un iota. Hein. Et donc voilà, moi ça me pose problème, donc, parce que en aucun cas dans le tract ils ne remettent en cause le nucléaire, hein, le nucléaire ou le pétrole, en aucun cas, il n'y a aucun moment c'est remis en cause, donc bon, moi ça me, je sais pas ce que tu en penses Milan, mais moi ça me pose question et ça me pose problème en tout cas. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Dans le tract, à aucun moment n'est fait la mention de la dangerosité nucléaire, que ce soit à court terme, comme on l'a vu, ne serait-ce que relativement récemment à Fukushima. Exactement, et puis on peut citer aussi Tchernobyl, Fessenheim. Enfin, toute une histoire des accidents nucléaires, ni à long terme. Alors effectivement, avec la gestion des déchets, que actuellement, et il faut bien le noter, si aujourd'hui on les enfouit, on ne sait absolument pas, de toute façon, les retraités, enfin les... Oui, les retravailler, les recycler. Hein, c'est les retravailler, les recycler, et même, il y a quelque chose d'assez hallucinant, quand on nous dit qu'il va falloir enfouir des déchets pendant X dizaines, voire centaines de milliers d'années. C'est un non-sens. Enfin, oui, je trouve ça aberrant, hein. Je partage ton avis, tu le sais bien. Hein. Et sans qu'on ait de recul aussi à long terme, on a des études qui de toute façon nous montrent que c'est totalement ahurissant de toute façon, mais on n'a pas pu constater, l'histoire du nucléaire étant jeune, quels sont les dangers à très long terme, à comprendre pas sur 30 ou 40 ans, mais aussi sur 100 ans ou 200 ans, de ces déchets nucléaires et de leur enfouissement. Totalement. Et c'est vrai que, oui, on n'a pas ce genre d'infos. On a des infos à court terme. On sait que là où les déchets sont enfouis, alors pas à des kilomètres en profondeur, mais à quelques centaines de mètres en profondeur, on sait qu'au-dessus, à la surface, eh ben, il y a des conséquences. Donc, comme si tout ça, même emballé dans des barils hermétiques, comme ils le disent, eh ben, il y avait quand même des émanations. Ça serait quand même volatile. Mmh. Et qu'au-dessus de ces enfouissements, eh bien, la nature, appelons-la comme ça, a du mal à subsister. Hein. L'herbe ne pousse quasiment plus. Les arbres sont défraîchis. Et donc, il est évidemment inimaginable de oser mettre de la culture. Hein, de la culture en termes agriculture, hein, c'est-à-dire de céréales, des légumes, etc., au-dessus de ces terrains. Donc oui, c'est voilà. Donc si jamais il y a des antinucléaires qui m'écoutent et que vous voulez un peu aller bousculer, entre guillemets, cette manifestation, dont le lieu n'est pas précisé, hein, je n'ai pas encore d'informations à vous passer sur le lieu, le tracé, l'heure de cette manifestation ou de cette grève, mais ce sera jeudi 21 janvier, donc vous pouvez sans doute contacter la CGT Mines Énergie pour avoir plus de détails à ce sujet, mais voilà, n'hésitez pas à aller les questionner. En tout cas, hein, je pense que c'est un minimum. Allez les questionner sur leur rapport à la dangerosité du nucléaire, quitte à faire un sitting le long de leur, le long de leur manif, avec des pancartes contre le nucléaire ou contre le pétrole, ce genre de choses. Hein, oui, il y a aussi des choses pour le gaz. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais le gaz est quand même une énergie fossile. Hein, il faut le rappeler. Donc voilà, c'est jeudi 21, je voulais faire un petit point critique sur cette lutte, bien que, comme je l'ai dit, je comprends totalement le fait qu'il faut lutter pour la perte des emplois, mais là, pour le coup, ça me paraît quand même très, très incongru si on se place dans une perspective de changement radical du système et de la société. Juste un petit point avant de continuer. Tu as fait mention de peut-être éventuellement un sitting ou des pancartes ou d'aller questionner, etc. Actuellement, et il semble bien de le rappeler parce qu'on a un peu de temps lors de cette émission aussi, que pour actuellement rien n'est prévu qui allait dans ce sens, que c'était une idée qui était un peu balancée, mais qui n'était prévu dans le sens. Donc si vous entendez parler de l'organisation d'une telle initiative pour aller questionner ce rapport-là, ou que vous voulez en organiser une, contactez les locaux de Radio Libertaire, on sera, je pense, très ravis aussi d'en faire le relais. Oui, c'est vrai, puisque cette émission se veut quand même un relais des luttes et des rendez-vous militants. Merci Milan de nous l'avoir rappelé. Mais il n'y a pas de quoi, mon bon monsieur. Autre rendez-vous, pardon, autre rendez-vous le vendredi 22 janvier à partir de 19h30. Et ce sera à notre chère et fameuse librairie Publico. La fameuse librairie Publico, avec une projection du film de Bernard Bessa, film qui s'intitule « Écoutez, André Bossiger », et donc le film sera présenté par Alexandre Skirda, et ce sera suivi d'un débat avec cette même personne. Alors, André Bossiger, alors c'est un nom suisse, du coup j'ai du mal à le prononcer, mais donc ne m'en voulez pas si jamais Bossiger n'est pas la bonne prononciation du nom de famille. Bossiger. Ou Bossiger, oui, peut-être. Alors dans une Suisse qu'on se plaît à voir paisible, l'existence d'André Bossiger fait figure d'exception. Après une enfance et une adolescence jurassienne, toutes faites de résistance à un milieu hostile et étouffant, l'itinéraire de cet homme libre croisera les luttes des travailleurs. La Ligue d'Action du Bâtiment, dont il sera l'un des principaux acteurs, puis les événements du 9 novembre 1932 à Genève, qui l'amèneront à se révolter contre toutes les injustices et à découvrir peu à peu un idéal libertaire de solidarité. Réfractaire, il passera 2 années en prison, s'engagera ensuite dans la Révolution espagnole, puis dans la résistance française, avant de rejoindre la lutte des Algériens, celle des antifranquistes de l'après-guerre, tout en assurant, au travers de 1000 difficultés, la vie matérielle des siens. Donc je pense que c'est un bon film qui nous permet de revenir sur un personnage sans doute inconnu de nos milieux, en tout cas peu connu de nos milieux et qui va permettre donc de le faire mieux connaître et puis de s'intéresser à ses combats, ses formes de combat, ses formes de lutte tout au long de son existence. Et donc ce sera vendredi à 19h30 à la librairie du Monde Libertaire, c'est-à-dire la librairie Publico. Qui est située à quel endroit, Milan ? Qui est située au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, qui est accessible par les métros République, Oberkampf et Fille du Calvaire. Donc là, comme ça de tête, les lignes 3, 5, 8, 9 et 11 du métro parisien. Pour les bus, je ne les connais pas. Il y en a un certain nombre. Hein. C'est vrai que ce serait difficile de citer tous les bus qui passent par République et les trois stations que tu viens de citer, mais il y en a vraiment un certain nombre. Oui. Et pour clôturer, peut-être sur la présentation de ce film, peut-être dire aussi que ce n'est pas seulement une projection, il y aura une rencontre, comme à chaque fois, lorsqu'il y a une projection à la librairie Publico, c'est toujours suivi d'un débat par rapport au film, par rapport aux luttes qui y sont évoquées, etc. etc. et qu'aujourd'hui, vendredi, ce sera l'occasion aussi d'en parler avec Alexandre Skirda, qui est annoncé. Si vous ne connaissez pas Skirda, ou Alexandre, que sais-je, c'est un militant assez intéressant qui aura écrit des bouquins que je conseille très fortement, tels que, alors plus un travail sur la Russie... sur son travail sur la Russie, c'est-à-dire par exemple avec les anarchistes russes et la révolution de 17, Kronstadt 1921, qui est un très bon ouvrage. De toute façon, tous ces ouvrages sont très bons par rapport à ça. Et et un livre sur la Macno qui est à conseiller également, parce que j'en connais pas d'autres sur le sujet qui sont vraiment lisibles et complets sur le sujet. Sur le Macno ou sur la Macno? C'est une petite blague, excusez-nous. Il n'y a pas de souci. Et tous ces livres sont bien évidemment trouvables à la librairie Publico. Donc 145 rue Amelot, métro République Oberkampf, vous commencez à connaître. Fille du Calvaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Rendez-vous suivant. Et le rendez-vous suivant, c'est l'appel pour le... Alors, excusez-moi, pour le départ, pardon, pour la manifestation de soutien aux migrants de Calais. Alors, ça aura lieu à Calais pendant la journée du samedi 23 janvier. Et un départ est prévu à Paris, à Porte de la Chapelle, à 8h30 du matin. Alors, c'est... pour déjà situer l'endroit, Porte de la Chapelle, à 8h30, c'est accessible avec le métro 12... le tramway 3B et les lignes de bus PC3, 65 et la petite ligne de bus La Traverse, Ney-Flandre. Tu veux peut-être... Non, je t'en prie. D'accord. Alors, vous n'êtes pas sans savoir actuellement hein, qu'il y a énormément de réfugiés et donc de sans-papiers à Calais, dans ce qu'on appelle... La jungle. Alors sachez que la jungle s'est constituée de plusieurs camps, qu'au cœur de la jungle il y a aussi un camp de l'État. Ça, tout le monde ne le sait pas, hein, que l'État a construit aussi un camp à l'intérieur de ce qu'on appelle la jungle, mais c'est un camp qui peut contenir seulement 2000 personnes. Alors que depuis quelques mois maintenant, les chiffres ont encore grossi et que je pense que je ne suis pas sûr qu'on atteigne les 10 000 personnes, mais je crois que ça commence à être 6 000, 7 000. Hein, Ça me semble pas extravagant, moi, 10 000, mais. Tu penses que. Bon. Je pense que ça s'en rapproche. D'accord. Bon, on va dire que ça s'en rapproche de 10 000 personnes et donc que le camp qui peut accueillir 2 000 est vraiment pas du tout adapté à la situation. Alors, sachant qu'il n'y a pas qu'à Calais qu'il y a des camps de réfugiés, mais aussi à Dunkerque, il y en a un qui s'est monté, qui n'est pas un camp de l'État, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, la situation se dégrade de jour en jour. Hein. On a vu que Eurotunnel inondait des plaines qui sont le long de son accès au tunnel. Pour tout simplement éviter aux migrants de se rendre au Royaume-Uni et plus particulièrement en Angleterre. Donc on voit que la violence ou la le fait de ne pas considérer ces personnes comme des êtres humains, hein, tout simplement, n'a vraiment pas de limite quelque part. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette manifestation qui est signée par un nombre conséquent d'organisations. Hein. Donc là, je vois la Ligue des droits de l'homme ou la Horde encore, mais plein d'autres, des organisations syndicales aussi, etc., etc. Alors, le départ est prévu de Paris à Porte de la Chapelle, comme je l'ai dit, à partir de 8h... Enfin, à partir, non, il faut être à 8h30 tapante. Et sachant que la place dans le bus n'est pas gratuite, et puisque la location d'un bus, ou de plusieurs, hein, je ne sais pas, n'est pas gratuite, hein, bien évidemment. Et vous avez deux endroits dans Paris pour aller réserver votre place pour cette manif, en tout cas pour le bus qui part de Paris à 8h30 et pour aller jusqu'à Calais. Alors, vous avez la librairie Lady Long Solo, qui est située au 38 rue Keller, dans le 11e arrondissement. Vous pouvez y aller tous les jours de 17h à 19h. Alors, c'est un créneau assez court, mais c'est ouvert tous les jours quand même. Et vous pouvez y accéder par le métro Voltaire, métro 9, et le métro Bastille, hein, c'est pas vraiment loin, avec les lignes 1 et 5. Vous avez le bus 69 aussi, qui passe juste à côté. Voilà. Ou autre rendez-vous pour autre lieu, pardon, pour réserver votre place dans ce bus à la librairie La Brèche, qui est située au 27 rue Taine, dans le 12e arrondissement de Paris, est ouverte de 13h à 20h et vous accédez par le métro Daumesnil. Sur la 6. Sur la ligne 6. Et la 8, très exactement. Donc voilà, hein, si vous voulez et pouvez et avez envie de participer à cette manifestation à Calais ce samedi 23 janvier, eh bien voilà, c'est là qu'il faut être. Allez chercher réserver votre place dans le bus à la librairie Lady Long Solo ou à la librairie La Brèche. Et puis d'être à 8h30 hein, pour le départ ce samedi 23 janvier. Alors, pour les rendez-vous, et non, encore des rendez-vous hein, sur Paris Intramuros, avec notamment le même soir, samedi 23 janvier, à partir de 19h, un concert de soutien qui aura lieu au squat La Petite Maison. Alors, ce squat est situé au 8 rue Godefroy-Cavaignac. Vous pouvez y accéder avec le métro Charonne et Voltaire, tous les deux sur la ligne 9 du métro. Et donc, ce sera un concert de soutien à des camarades, à des compagnons incarcérés actuellement. Et ce sera une soirée placée sous le signe du rap et du hip-hop. Alors qu'il peut certainement se poursuivre pendant quelques heures dans la nuit, hein, vu que je vois qu'il y aura un son de système aussi. L'entrée est à prix libre. Et puis l'argent récolté servira certainement pour le paiement des avocats et ce genre de choses. Et puis vous aurez dans ce squat des stands hein, pour acheter du merchandising, des CD, sans doute du matériel militant aussi. Et puis, vous aurez de quoi vous restaurer et vous désaltérer. Et tout ça, ce sera à La Petite Maison, ce samedi à 19h, 8 rue Godefroy-Cavaignac, métro Charonne ou Voltaire avec la ligne 9 du métro. Ou encore hein, des bus, hein, pour les personnes aimant le bus et ne pas se retrouver dans les tunnels parisiens du métro, qui sont des fois assez tristes. Hein. Et remplis de pubs. Et remplis de pubs, hein, comme on le disait tout à l'heure. Vous avez des bus. C'est vrai qu'il y en a un peu moins à l'intérieur des bus, et c'est plus à l'extérieur des façades de ces autocars. Hein. Les bus, alors pour aller à La Petite Maison, les bus 46, 76, 56 et 61. Donc le maillage bus RATP est quand même assez bien fait. Hein. Même si dans cette zone-là. Oui, c'est vrai. Même si on est peu à l'utiliser, alors que c'est quand même assez avantageux. Des fois, c'est même plus rapide que le métro, dans certains cas. Voilà pour samedi. Dernier rendez-vous pour Paris Intramuros. Ce sera la projection dimanche 24 à 17h, la projection du dernier film, du nouveau film de Yanis Yuluntas, qui s'intitule « Je lutte, donc je suis ». Alors c'est la version longue et la version courte qui avait été projetée à Publico il y a quelques mois, au mois d'octobre, novembre, quelque chose comme ça, je pense, si je me souviens bien. Octobre, oui, merci Milan. Octobre, donc, c'était la version courte, 45 minutes, quelque chose comme ça. Et là, c'est donc la version longue qui fait 1h33. Et où, contrairement à la version courte où il y avait peu de séquences en Espagne, là il y aura vraiment toute la partie espagnole qui sera montée dans le film. Hein, donc c'est vraiment la version longue, définitive sans doute, du film Je lutte, donc je suis. Et ça aura lieu à 17h ce dimanche à la Bellevilloise. La Bellevilloise est située au 21 rue Boyer. Et pour s'y rendre, vous avez la station de métro la plus proche, c'est Gambetta, avec les lignes 3 et 3 bis du métro. Ou encore les bus 96 et 26. Là encore, hein, un maillage RATP de bus qui est assez... de qualité. J'aurais dit plutôt satisfaisant. Mais puisque la RATP n'est-on pas autogérée bientôt. Bientôt. Bientôt. Donc ça sera suivi d'un débat hein, avec... je crois que... Je ne sais pas si Yanis Yuluntas et le reste de l'équipe sera présente, mais je sais qu'il y aura des personnes présentes. Alors sans doute des personnes de l'équipe qui sera présente. Et sachez que ce film est diffusé dans le cadre du festival Bobine Sociale, 13e édition de ce festival, qui a lieu du 24 au 31 janvier 2016, donc une semaine sur des films, des débats de lutte, hein, de lutte sociale, alors je n'ai pas forcément le programme, mais bon, vous avez donc à la Bellevilloise et puis à d'autres endroits aussi, hein, comme au centre Archipelia, ça sera lundi d'après, lundi 25, avec Un toit sur la tête, un film sur les réquisitions de lieux publics inoccupés, hein, donc pour lutter évidemment contre le mal logement et contre la gentrification aussi. Voilà, puis plein d'autres films, hein, je ne vais pas tous les citer, il y en a vraiment pléthore, hein, il va y en avoir peut-être une vingtaine de diffusés pendant tout le long de ce festival du 24 au 31 janvier, je le rappelle, festival Bobine Sociale, et puis ben voilà, vous avez le 30 et le 31 janvier à la Bellevilloise, c'est sûr, et du 24 au 29 en séance hors les murs. Alors, passez à la Bellevilloise, je pense qu'il y a des petits dépliants qui vous donneront les films diffusés et puis les séances, évidemment. Donc voilà, pour ce rendez-vous, c'est dimanche 24 janvier 2016 à 17h, projection de Je lutte, donc je suis, le dernier film de Yanis Yuluntas, à 17h à la Bellevilloise, 21 rue Boyer, métro le plus proche, Gambetta. Alors, tu avais d'autres rendez-vous peut-être pour Paris Intramuros ? Non, mais pas en tête. Donc voilà pour notre première partie d'émission sur les rendez-vous en Intramuros de Paris, de la capitale. Nous allons faire une petite pause musicale avant de passer au rendez-vous en Île-de-France. Et on va s'écouter, alors on va continuer, allez, avec Brigada Flores Magón et la chanson « Ras les murs ». Un petit dysfonctionnement technique. Normalement, ça devrait être bon maintenant. On se retrouve juste après. Et puis, Brigada Flores Magón avec Ras les murs. Vive la rage et ras les murs. seul, ne pas savoir accepter, de respecter leur moral, et d'avoir voulu coûte que coûte changer les choses, choisir ma route. De retour sur Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste. C'est toujours C'est là que ça se passe. Votre agenda préféré des luttes de Paris intramuros et également à l'international. Soyons fous. Encore deux petites minutes de préparation. Ils nous ont passé du coup à l'agenda de Paris Île-de-France. Paris extramuros, Île-de-France donc plutôt. Est-ce que tu es prêt ou en es-tu ? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour lui. Alors oui, cette deuxième partie d'émission consacrée au rendez-vous en Île-de-France, en dehors de la capitale, hein, parce que il faut arrêter de centraliser aussi. Hein. Tout ne se passe pas à Paris, et heureusement, je dirais. Heureusement. Réflexe de Parisien. Exactement. Heureusement qu'il y a des choses ailleurs dans les autres départements de l'Île-de-France, et puis heureusement qu'il y a des choses dans le reste de la France et dans le reste du monde, hein, bien évidemment. Alors les rendez-vous sur la région Île-de-France, aujourd'hui vous en avez un, lundi 18 donc, à 17h30. À 17h30, vous avez une manifestation de soutien aux victimes du 48. Le 48, c'est le 48... rue de la République à Saint-Denis, puisque deux mois après l'assaut qu'il y a eu... Oui, c'est ça, ça fait deux mois. Hein, quelques jours après, à peine, hein, après la tuerie qu'il y avait eu au Bataclan et dans le 11e et le 10e arrondissement, et aussi au Stade de France. Stade de France. N'oublions pas qu'il y a eu un mort au Stade de France aussi. Eh bien, les personnes du 48 de la rue de la République ne sont pas toujours pas relogé décemment. C'est-à-dire que ces habitants avaient été évacués suite à l'assaut, enfin au moment de l'assaut, par les forces de l'ordre, et trois d'entre eux, de ces personnes, avaient été blessés par balles, donc un est toujours hospitalisé. Et puis l'immeuble, hein, vous avez certainement vu les images à la télévision, est complètement inhabitable. Hein. Alors, à la suite d'un engagement de relogement pris par la ministre du Logement, Sylvia Pinel, et après avoir passé une semaine dans un gymnase, hein, donc fin novembre, les sinistrés, c'est-à-dire 39 ménages, et dont une vingtaine d'enfants, ont rejoint des hébergements le 25 novembre. Alors, ces hébergements sont les suivants. Deux résidences hôtelière, pardon, et sociale pour les familles, et dans un hôtel pour célibataires, dans un hôtel tout simple pour les célibataires, excusez-moi, à Saint-Denis, hein, en attendant un relogement décent, c'est-à-dire un vrai logement et non pas être en chambre d'hôtel, et qui tarde à venir pour tout le monde, bien évidemment. Donc les sinistrés se sont constitués en association, évidemment pour se défendre, et deux mois après l'assaut, face à l'attitude méprisante de l'État, qui a seulement accepté mardi, c'est-à-dire demain, de les recevoir. Les sinistrés et leur soutien ont décidé de se faire entendre et appellent à une large solidarité, et ce, dans une manifestation. Alors les sinistrés demandent la reconnaissance du statut de victime pour tous les habitants et les habitants liés au 48 rue de la République, et puis réparation, bien évidemment, un relogement en logement social dans les meilleurs délais, à Saint-Denis ou à proximité, évidemment, hein, on ne va pas les envoyer à 50 km de là, puisque les enfants peuvent être scolarisés ou que les gens ont un travail à proximité à Saint-Denis, hein, ça n'aurait pas de sens. Et puis un hébergement stable et décent pour tous. La régularisation de ceux qui n'ont pas de papier, bien évidemment, hein, c'est toujours d'actualité. Et puis voilà. Et puis c'est soutenu par un certain nombre de collectifs. Hein, la Ligue des droits de l'homme, le collectif Copro Libre à Saint-Denis, qui est un collectif de locataires qui s'est monté aussi justement pour lutter contre la répression, quelque part une certaine forme de répression de la part des bailleurs sociaux. Je cherchais le mot, excusez-moi. Il y a aussi des enseignants et des parents de l'école Jules Guesd, qui n'est pas loin, qui soutiennent cette initiative. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui à 17h30 à Saint-Denis. Et on y accède par la station Basilique de Saint-Denis, avec la ligne 13 du métro, mais aussi avec le tramway T1, le tramway T5, le RERD avec la station Saint-Denis, ou encore la ligne H du Transilien à la station Saint-Denis également, et puis sans compter les bus hein, qui doivent y être, qui passent à travers le centre-ville de Saint-Denis, dont je n'ai pas les lignes sous les yeux. Donc voilà, c'est ce soir à 17h30, en soutien pour le relogement des victimes du 48 à Saint-Denis. Deuxième rendez-vous en région parisienne, hors de Paris, ce sera jeudi 21 à 10h. C'est le procès du bâtiment occupé par le collectif Bara. Alors je pense que Milan, tu pourras m'en dire un peu plus sur ce collectif. Je connais, c'est une lutte que je connais très très peu... À vrai dire, la lutte des barres. Mais grosso modo, c'est un collectif de sans-papiers, à la base. Pas à la base d'ailleurs, ils sont toujours sans-papiers. Ils sont toujours, c'est vrai. Ne simplifions pas les choses. Qui lutte depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, qui ont tenté de squatter un logement, d'occuper un logement il y a quelques mois, qui s'est fait expulser dans la foulée. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs occupations hein, depuis que ce collectif s'est monté. Oui, mais il y en a des plus pérennes que d'autres, bien sûr, bien disons. Sûr. Et celle-là me venait en tête, mais effectivement, il y a eu d'autres tentatives qui sont fait dégager beaucoup plus vite par les forces de l'ordre. Et donc c'est un des procès du collectif Bara suite aux expulsions. Procès donc, soutien, évidemment. Donc soutien, et ce sera jeudi, comme je l'ai dit, jeudi 21 janvier, à 10h au TGI, au tribunal de grande instance de Bobigny, situé dans le palais de justice de Bobigny, très précisément dans la salle 8, que se tiendra le procès, dans la salle 8 du tribunal de grande instance du palais de justice de Bobigny. Et pour y aller, pour apporter votre soutien, c'est le métro 5, à la station Bobigny-Pablo-Picasso, qui est le terminus, hein, il me semble. Et vous pouvez y aller avec le tramway aussi, je pense que c'est le tramway T1 qui passe avec la station Libération. Il porte bien son nom pour cette lutte, hein. Donc que ces personnes soient entre guillemets libérées et qu'ils puissent avoir des papiers, enfin, Et puis, des logements pour tous et toutes, tout simplement. Et donc, c'est jeudi à 10h, en soutien avec le collectif... excusez-moi. Avec le collectif Barra. Autre rendez-vous en région parisienne toujours, ce sera vendredi 22 janvier, à partir de 19h30. Ce sera la présentation du livre Charles Martel et la bataille de Poitiers, sous-titré « De l'histoire au mythe identitaire ». Alors c'est un livre que je n'ai pas lu en entier, mais que j'ai feuilleté, et je trouve qu'il démonte véritablement tout ce mythe identitaire, ce mythe désidentitaire, hein, de tous ces groupes d'extrême droite qui reprennent des figures comme ça de l'histoire française, sans que ça soit véritablement, enfin évidemment en édulcorant la réalité, hein, de beaucoup. Charles Martel n'est pas quelqu'un survécu à l'histoire comme personnalité importante jusqu'à il y a récemment. Hein. C'est vraiment venu au 19e, je crois, si je me souviens de l'avoir lu dans le livre. C'est vraiment qu'au 19e siècle que Charles Martel devient une icône. Une icône identitaire, du coup. Et le livre, pardon, sera présenté par les auteurs, hein, donc William Blanc et Christophe Naudin. Donc l'ouvrage revient bien évidemment sur l'histoire de la bataille de Poitiers au 8e siècle, qui opposa les troupes arabo-berbères, pardon, d'Abd al-Rahman aux Francs de Charles Martel et sur le contexte de l'époque. Il détaille ensuite la reprise et l'interprétation de l'événement dans l'histoire nationale, hein, vous savez bien le concept de l'histoire nationale, de la nation, du Moyen-Âge à nos jours. Et comme je disais, c'est vraiment, voilà, il démente vraiment, enfin c'est un livre que je vous conseille en tout cas, si vous pouvez vous le procurer à l'achat ou en bibliothèque. C'est vraiment un livre que je conseille pour le démontage de ce mythe identitaire, démontage de tout ce roman national qui à la base était quand même pris par l'extrême droite et qui est rentré peu à peu dans toutes les composantes gouvernementales, que ça soit de droite plus modérée ou de gauche, entre guillemets, avec les personnes se disant socialistes. Et puis la discussion sera suivie d'un repas en auberge espagnole, et je n'ai pas donné le lieu, excusez-moi, ce sera à la bibliothèque associative de Malakoff, la BAM. La BAM qui est située au 14, impasse Carnot. Et pour y accéder, rien de plus simple que le métropolitain. Le métropolitain avec la ligne 13 à la station Malakoff rue Étienne Dolay. Et puis certainement des bus qui passent pas loin de là. Alors à Malakoff, je vous parlais la semaine dernière d'une lutte qui avait lieu dans les services publics de Malakoff. Alors une lutte des fonctionnaires, et puis j'avais fait une petite critique sur le corporatisme de cette lutte. Mais voilà, sachez que depuis, ils ont été reçus par la municipalité, municipalité PCF, et donc ils ont été reçus par celle-ci, sans que la mairie décide que les revendications des personnes qui s'étaient mises en grève étaient justes, hein. Donc la grève est reconduite, voilà. Tout ça pour dire ça, excusez-moi. La grève est donc reconduite. Et donc, si vous êtes à Malakoff ou que vous y passez, n'hésitez pas à aller apporter votre soutien si jamais il y a des personnes, il y a des piquets de grève qui peuvent se faire. Hein. C'est vrai que ça se fait plutôt rarement dans la fonction publique, hein, Milan. Mais des fois, ça peut arriver. Alors voilà. Si vous voulez aller les soutenir, eh bien, vous pouvez toujours. Je rappelle que c'était tout simplement parce que les catégories A et B avaient eu une prime que les autres catégories de fonctionnaires n'avaient pas eue, et donc ils se battent pour, ben, tout simplement pour cette aberration classiste, catégorielle, je dirais, qui sépare les personnes, qui sépare le travail, alors que ça n'a pas plus de sens que ça. Voilà ce que je voulais dire sur Malakoff. La semaine dernière, j'avais parlé d'un rendez-vous devant le siège de Vinci, en soutien à Notre-Dame-des-Landes et aux personnes qui étaient sous référé d'expulsion et d'expropriation. Eh bien, sachez, s'il y a des personnes qui y sont allées à ce rassemblement et qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que vous avez eu une petite photo dans Le Parisien. Alors, en disant, Le Parisien dit qu'il y avait une trentaine d'opposants qui ont manifesté. Alors, sur la photo, on voit plus une cinquantaine. Mais bon, on va pas... les critiques du Parisien, on en fait assez comme ça. On sait très bien que c'est un journal partisan. Et il a toujours été, et encore plus depuis qu'il est racheté par LVMH. Je pense que Milan, tu seras d'accord avec moi sur cette chose-là. Ah, j'ai rien à redire. En tout cas, voilà, sachez que vous avez une petite photo et que donc les gens ont été au courant de ce rassemblement. Je finirai pour les rendez-vous en région parisienne avec, bien évidemment, la récolte de vêtements du collectif Polyvalence. Milan, connais-tu le collectif Polyvalence ? J'en ai eu ouï dire, parfois, par ailleurs, mais je ne connais pas. Alors, le collectif Polyvalence est un collectif qui est maintenant une association, d'ailleurs, il faut le signifier. Donc, association et collectif qui, au tout début, a produit des brochures pour laissez-moi retrouver dans mes papiers, qui a produit des brochures, oui, pour dénoncer, en tout cas, c'était des témoignages de violences sexistes, et donc il y a des brochures qui ont été produites et qui sont disponibles d'ailleurs. Il y a un jeu de brochures disponible à la librairie Publico. Vous pouvez toujours aller consulter et chaque témoignage est illustré avec une photo, une illustration, un dessin, une peinture. Et c'est vraiment de très bonnes factures. Depuis le site internet aussi, polyvalence-mp.org, je crois, ou polyvalence-tout-court.org, je ne me rappelle plus bien, mais qui donc recueille toujours des témoignages. Alors par contre, sur le site internet, c'est vraiment beaucoup plus large que les violences sexistes. Ça continue toujours, mais vous avez sur plein de choses. Vous avez sur l'accouchement, vous avez sur le désir d'enfant ou le non-désir d'enfant, vous avez sur les personnes dites psychiatrisées, vous avez... Donc voilà, les appels à témoignages sont toujours les bienvenus. Hein. Allez voir ce site internet, vraiment complet, vraiment bien fait. Et voilà, si vous avez des témoignages, je sais qu'actuellement, ils font aussi un témoignage sur les personnes qui vont à Calais et qui ont envie de raconter quelque chose par rapport à ce qu'ils ont pu voir à Calais. Et oui, donc, la deuxième vague de récolte de vêtements, de matériel d'hygiène, de matériel pour dormir de type sac de couchage, tente, etc., des couvertures chaudes, ce genre de choses, aura lieu, et est organisé par Polyvalence, aura lieu jusqu'à la fin janvier, et c'est à Arcueil. Alors, c'est à Arcueil, je vais vous rechercher tout de suite l'adresse mail. Alors, il faut aller au RER B, station Gentilly. Mais ce n'est pas l'adresse exacte. Pour avoir l'adresse exacte, il faut envoyer un mail. Alors, le site, c'est polyvalence-mp, M comme Mathieu, P comme Patrick.com. Il y a aussi un Facebook qui existe, hein, vous pouvez voir toutes les infos actualisées hein, pour cette récolte et pour le site en lui-même. Donc le rendez-vous, voilà, c'est à Arcueil pour déposer vos dons. Pour avoir l'adresse exacte, il faut envoyer un mail à assopolyvalence@gmail.com. Donc asso, A2SO, polyvalence, P-O-L-Y-V-A-L-E-N-C-E, gmail.com et tout est attaché. Ou pour vous contacter l'administratrice de l'association sur le Facebook, vous tapez Polyvalence MP et vous allez tomber sur le Facebook et vous pouvez contacter la personne pour avoir le lieu précis pour déposer vos dons. Donc ça continue hein, comme juste pendant tout le mois de janvier, mais aussi de la nourriture. Hein. Je parlais de vêtements, tout ça, mais aussi de la nourriture, hein, de l'huile, du riz, du sucre, des conserves, si c'est possible, des paquets de biscuits. Et puis, si jamais vous avez des jeux aussi, des jeux de cartes, des vélos aussi, des choses comme ça, des groupes électrogènes, pourquoi pas, pour sortir un peu du... Eh bien, du quotidien terrible que vivent ces personnes à Calais, hein, tout simplement. Tu as quelque chose à rajouter dessus, Milan ? Non. Voilà. Donc, il y avait eu déjà une première vague de récolte au mois de septembre qui, et où Polyvalence avait réussi à envoyer deux camions. Deux camions pleins vers Calais. Donc voilà, là on espère pouvoir en envoyer plus, pourquoi pas. Mais sachez que ce rendez-vous est toujours actuel jusqu'à fin janvier. Alors on va se faire une petite pause musicale. Petite pause musicale où nous allons écouter le groupe Guerilla avec The Streets Are Ours. Les rues sont à nous. Et on se retrouve juste après, pour les rendez-vous en région. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur le 89.4 sur la bande FM sur Paris et l'Île-de-France et en streaming sur le www.radio-libertaire.net. Alors on passe au rendez-vous en région, c'est-à-dire hors de Paris et hors de l'Île-de-France. Avec cette semaine, on a des rendez-vous à vous proposer dans l'ouest de la France, notamment sur Rennes. Alors sur Rennes, ce sera jeudi 21. À partir de 20h, un fest-noz antifasciste, organisé pour la 6e année consécutive, en partenariat avec la CNT35, donc la CNT, Confédération Nationale du Travail, local, qui organise ce fest-noz antifasciste avec 4 ou 5 groupes de rock-trad, un peu, qui mélangent un peu les genres, donc c'est intéressant, et puis évidemment orienté contre le totalitarisme, contre les idées réactionnaires, contre les idées identitaire et pour le mélange qui enrichit toujours. Donc jeudi 21 à Rennes, à partir de 20h, ce sera à l'Antipode. Et l'Antipode, c'est situé aux 2 rue André Trabeau, je crois. Aux 2 rue André Trabeau, l'Antipode à Rennes, jeudi 21 à partir de 20h. Autre rendez-vous toujours dans l'Ouest, ce sera sur Quimper cette fois-ci, et ce sera samedi. Samedi 23 à 14h, une manifestation pour une Bretagne ouverte et solidaire. Alors c'est une manifestation en lien quelque part avec, avec le thème antifasciste organisé à Rennes 2 jours avant, parce que c'est une manifestation qui se veut être là pour contrer un rassemblement d'un groupuscule néo-nazi breton qui s'appelle Adzav. Est-ce que tu en connais plus sur Adzav, Milan ? Est-ce que ça te parle un peu ? Alors de tête, je me gourre certainement de collectif, mais c'était pas le groupuscule avec une histoire autour d'un squat, une maison qui était occupée. Je crois que ça me parle aussi, cette histoire, oui. Grosso modo, pour cette histoire, il y avait une maison qui était occupée par des camarades. Et il me semble que la propriétaire n'avait pas levé plus d'opposition de ça parce que la maison était vide depuis des années. Que le groupuscule avait décidé de faire des manifestations devant cette maison et en instrumentalisant aussi cette propriétaire en disant que regardez cette pauvre femme, nous l'avons jetée hors de sa maison et maintenant c'est des gauchistes qui l'occupent. Me semble-t-il que c'est une... Je crois que c'est le groupuscule Adzav qui avait produit des textes allant dans ce sens. Oui. Et qu'ils avaient produit des textes par ailleurs. Du coup, voilà. C'est une, comme il y a ce rassemblement du groupuscule néo-nazi Adzav, eh bien, cette manifestation est faite aussi en contre-manifestation, bien évidemment, pour montrer qu'on est plus nombreux et plus nombreuses qu'eux et elles, et que ce n'est pas l'enclavement et la séparation, ou la ségrégation, si on veut utiliser des mots forts, qui permettra de favoriser l'égalité sociale entre les personnes, hein. Mais c'est bien le mélange qui est toujours enrichissant, toujours. Donc c'est samedi 23 à 14h, et ça sera place Saint-Corentin à Quimper. Voilà, Quimper pour la manifestation en réponse au rassemblement du groupuscule néo-nazi Adzav. Sachez qu'il y a aussi, hein, juste une petite parenthèse, des rendez-vous antifascistes qui vont se faire sur Paris, notamment en réponse à une grande journée, je crois, ou week-end de rassemblement d'extrême droite qui va avoir lieu en Europe. Je crois que c'est la toute fin janvier. Le sommet européen ? Peut-être, oui. Peut-être que c'est quelque chose comme ça, oui. Et du coup, je sais qu'il y a des choses qui vont se faire d'ici quelques semaines pour ne pas laisser la rue occupée par les idées nauséabondes, tout simplement, qui séparent les gens et les êtres humains. Voilà pour fermeture de la parenthèse, et puis voilà pour l'ouest de la France. Dans le sud, j'ai aussi des rendez-vous, on a aussi des rendez-vous à vous proposer, notamment dans le sud-est, dans la ville d'Alès. La ville d'Alès, ce sera dimanche 24. À partir de 12h, il y aura une cantine, appelée une cantine sans frontières, qui sera organisée avec un repas à prix libre. Alors, cette cantine se veut un repas de soutien aux familles sans papiers. Donc aux réfugiés et aux sans-papiers qui sont arrivés dans les Bouches-du-Rhône récemment. Et cette cantine est organisée dans la ville d'Alès, donc, et l'argent récolté, puisque le repas est à prix libre, l'argent récolté leur sera en totalité reversé. Et cette cantine sans frontières sera donc organisée à la Rétive, La Rétrive, qui est située au 42 rue du Faubourg d'Auvergne à Alès. Je rappelle la date, dimanche 24 à partir de 12h. Donc allez-y si vous êtes dans le coin pour passer un moment convivial et puis discuter hein, avec les personnes, c'est toujours enrichissant, comme nous disions. Et puis c'est ensemble qu'on arrive à prendre, réfléchir ensemble et prendre les décisions ensemble pour tenir tête, hein, tout simplement. Autre rendez-vous dans le sud, mais un peu plus haut, ce sera sur Lyon. Et sur Lyon, ce sera dès demain. Demain, une journée de grève et de mobilisation à la poste de Lyon Centre. Tout simplement en réaction à la procédure de licenciement d'un salarié de la poste de Lyon Centre. Alors le rassemblement est prévu à 14h devant la poste de Lyon Centre qui est située place Antonin Poncet. Sachant que cette personne est donc en procédure de licenciement, tout simplement parce qu'elle a participé, véritablement hein, à une grève qui a duré 2 semaines à la poste du centre-ville de Lyon en octobre. Et c'est à cause de cette grève que cette personne est en procédure de licenciement. Alors bien évidemment, comme toujours, la personne n'a pas fait grève toute seule au mois d'octobre. Et c'est toujours un espèce de... Toujours une seule personne qui trinque, bouc émissaire, hein, quelque part. Sachant que oui, cette grève avait quand même tenu 2 semaines et avait réuni un nombre assez conséquent de personnes. Et donc oui, le droit de grève en France, eh bien, n'est pas sans conséquences. Hein. Donc le droit de grève, quelque part, n'existe pas, hein, puisqu'il est risqué. Donc, puisqu'on risque de se faire licencier, puisqu'on risque de ne plus pouvoir se nourrir, s'habiller, puisque grève, dit donc, journée non payée, hein, donc du salaire en moins. Et puis là, encore plus, un licenciement, sachant que bon, la Poste est de moins en moins un service public. Il faut le notifier. Donc c'est à 14h. Mardi 19, donc demain, à 14h, le rassemblement a lieu devant la poste de Lyon Centre. Quelque chose à rajouter, Milan, sur... Bah, pour en profiter, tant qu'à parler de grève et de condamnation, je pense que je vais parler pour toi aussi, mais enfin, pour ma part, et je pense avec toi, exprimer ma solidarité, bien entendu, avec les camarades en lutte à Goudière, avec la condamnation... qui est tombé ces derniers jours. Évidemment. Rafraîchis-moi la mémoire. Je n'ai plus le tenant de la... Bah, en tout cas, il y a 9... Oui, il me semble qu'ils sont 9, oui. 9 salariés grévistes qui ont été condamnés à de la prison, dont une partie en ferme, dont 8 mois ferme, oui. Me semble-t-il. Oui, la peine maximum est de 8 mois ferme pour quelques personnes, oui. C'est vrai. Sachant que voilà, c'était pour avoir... retenu pendant 24 ou 48 heures, je ne me rappelle plus, un dirigeant de Goudière. Alors, je ne sais plus à quel niveau de direction il se situait, mais un dirigeant quand même de Goudière. Et puis, voilà. Donc, des employés, ouvriers, travailleurs se font incriminer par cet acte. Mais par contre, quand Goudière licencie à tour de bras, Goudière n'est certainement pas inquiété par la justice bourgeoise, reprécisons-le, et on le voit encore une fois que c'est une justice classiste, hein, encore une fois. Donc travailleurs de Goudière, je me rappelle qu'il y avait eu un rassemblement qui avait eu lieu au siège de Goudière, qui est situé à Rueil-Malmaison, tout comme le siège de Vinci. Un rassemblement assez musclé d'ailleurs, hein. Et c'était la première fois depuis longtemps, très longtemps, qu'il n'y avait pas eu de CRS à Rueil-Malmaison. Je crois que ça faisait depuis mai 68 qu'il n'y avait pas eu de CRS, donc ça datait quand même. Mais bon, dans la banlieue 92, hein, c'est vrai que c'est une banlieue qui, où les luttes, ou plutôt où personne ne va faire de lutte, de grève musclée, sachant qu'il y a quand même... énormément de sièges sociaux de grandes entreprises à Rueil-Malmaison. Personne ne le sait, mais voilà, un rassemblement la semaine dernière devant Vinci, À l'époque, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, devant le siège de Goodyear, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sièges sociaux de grandes entreprises nationales ou internationales qui sont sur la ville de Rueil-Malmaison. Et je pense que ça peut être pas mal de réfléchir à l'avenir à pouvoir faire des rassemblements devant ces sièges où il y a donc les directions. Hein, les grandes directions de ces entreprises. Alors évidemment, si on envisage ça, c'est de le faire du lundi au vendredi et pas le week-end, hein, puisque le week-end, vous n'aurez personne dans ces bâtiments de bureaux vides. Hein. Mais donc il y a énormément de sièges sociaux de grandes entreprises à Rueil-Malmaison, notamment près de la gare de Rueil, où c'est une petite défense qui s'est élevée avec des tours en aluminium et en verre de partout. Je me rappelle une fois qu'il y avait, alors je crois qu'ils ont déménagé, mais il y avait le siège social de Heineken France qui était à Rueil-Malmaison. Mais si vous avez par exemple des médicaments UPSA, sachez que sur vos boîtes de médicaments est marqué le siège social est à Rueil-Malmaison. Ou Novartis aussi, pour continuer dans la pharmacopée. Mais voilà, il y a vraiment, vraiment pléthore de grandes entreprises qui sont domiciliées, qui ont leur bureau à Rueil-Malmaison. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête si jamais vous décidez de faire des rassemblements devant les sièges d'entreprise. Je pense que ça peut être pas mal de réveiller ces banlieues bourgeoises. Tu seras d'accord avec moi, je pense, Milan. Je souscris totalement. Voilà. Alors voilà pour les rendez-vous en région, c'est tout ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, mais il y a forcément d'autres choses qui peuvent se passer à Bordeaux, à Bayonne, à Toulouse, ou dans d'autres villes encore, à Lille, je sais qu'il y avait quelque chose organisé à Lille, mais j'ai pas vraiment réussi à récupérer l'information pour ce matin. Voilà, vous avez beaucoup de sites internet à aller consulter si vous le voulez, pour trouver ces rendez-vous. Mais voilà en tout cas les rendez-vous que j'avais sélectionnés pour vous transmettre. Alors je ne sais, est-ce que tu penses qu'on a le temps de passer une dernière pause musicale avant le dernier point sur l'international? Je pense que ça peut être possible. Oui, allez. Faudra faire vite. On va faire vite, mais on va faire une petite pause musicale. Une petite chanson du groupe de hip-hop rap Hydra, avec le titre Genova 2001, titre qui a été composé en soutien, en mémoire de Carlo Giuliani, assassiné par la police lors du G8 ou le G20, je ne sais plus, en 2001, qui avait lieu dans la ville de Genova. Et cette chanson est pour lui et pour toutes celles et ceux qui luttent. Peut-être que mon identité, mes vues sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous refuse, tendre à le saisir au lieu d'exiger. On peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville, c'est la leur, à tout prix aussi. Et que la caste qui gouverne n'a pas à désigner qui doit ou pas être là quand elle y va. Honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir surprotégé, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Polizia, polizia, assassini, giotto, assassini anche, polizia, assassini. Polizia, polizia, giotto, assassini anche. Assassins, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. Et tout mon respect d'être baissé, à me dresser, pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je cracherai tout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis, disant que c'était joué. Pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise. Facile d'avoir raison en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, tutti bianchi. A tous les autres, les sans nom, seuls groupés, les arrêtés, les rescapés, les torturés. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, bientôt assassiné en guerre. Polizia, assassiné. Maintenant, après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait. La torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne donc. C'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retardés du G8. On t'avoue à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples vous vous lavez. Polizia, polizia, giotto, assassini anche, polizia. Police assassin, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Giotto, assassini anche, polizia. Assassini, polizia, polizia. Giotto, assassini anche, polizia. Assassini. Gêne de mieux. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, l'émission C'est là que ça se passe, sur le 89.4 sur la bande FM et partout ailleurs sur le streaming, sur le site internet de la radio www.radio-libertaire.net. Alors oui, c'était Hydra, Genova 2001, en soutien, en rappel de ces luttes qui avaient eu lieu en marge du... Enfin, en marge, pendant le G20 ou le G8, je ne me rappelle plus. C'était le G8, je crois. Le G8, oui. C'était le G8 en 2001, dans la ville de Genova, en Italie, et qui s'était terminé sur un certain nombre conséquent de blessés, mais la mort de Carlo Giuliani. Et sachez, pour... juste avant de clore cette parenthèse, qu'au mois de février, à Publico, aura lieu une projection d'un documentaire sur le G8 à Genova et sur la mort de Carlo Giuliani, qui sera projeté au mois de février, on ne sait pas trop encore quand, mais qui est un documentaire vraiment, vraiment bien fait, qui fait intermédiaire des membres de la famille de Carlo Giuliani aussi, ses amis, tout ça. Et je vous invite à vous renseigner dès que l'info sera vérifiée, tout simplement. Mais je vous invite en tout cas à regarder, à venir voir, ou si vous ne pouvez pas, à le regarder sur Internet, je pense qu'il est trouvable, de regarder ce documentaire qui est vraiment bien fait et qui laisse la parole aux personnes concernées et à la famille de Carlo Giuliani, qui l'a soutenu de tout le temps et puis malheureusement aussi après le drame de sa mort. Alors, on va passer à la dernière partie, petite partie aujourd'hui consacrée à l'international, avec des rendez-vous en Suisse. Et notamment en Suisse romande. Une tournée de projection du nouveau film de Yanis Yuluntas, qui aura lieu toute cette semaine. Et ça commencera à partir de demain, mardi 19, dans la ville de Chaux-de-Fonds. Et ça sera à 18h demain au cinéma ABC, situé 11 rue du Coq, à la Chaux-de-Fonds, demain. Et ça continuera mercredi, à Genève cette fois-ci, au cinéma Spoutnik. À 20h30, le Spoutnik est situé, non pas dans l'espace, mais aux 4 places des volontaires à Genève, mercredi 20h30. Et enfin, la dernière date de cette tournée de projection en Suisse romande cette semaine, ce sera à Lausanne, jeudi 21, à l'espace Dickens, qui est situé au 4 avenue Dickens, près de la gare de Lausanne, et la projection débutera à 18h30. Alors je salue nos compagnes et compagnons de la Fédération anarchiste des montagnes et de Genève. De la Fédération libertaire des montagnes, fédérée à la Fédération anarchiste. Voilà, Fédération libertaire des montagnes, toutes mes excuses. Et puis du groupe libertaire de l'AFA de Genève également, qui, j'espère, auront le temps de voir ce nouveau film et de participer, puisque ce sera suivi de débats à chaque fois à ces trois dates. Alors je rappelle, mardi 19 à la Chaux-de-Fonds à 18h au cinéma ABC, mercredi à Genève au cinéma Spoutnik à 20h30, et enfin jeudi à Lausanne à l'espace Dickens à 18h30 également. Voilà pour le point international. Donc, vous le savez maintenant depuis les premières émissions de C'est là que ça se passe, toujours un peu de mal à étoffer les luttes internationales, en tout cas d'avoir des luttes locales, des informations sur les luttes locales internationales, telles que les rendez-vous que je peux proposer partout en France et sur Paris et la région Île-de-France. C'est un peu compliqué, hein, comme je le disais, malgré le téléphone, malgré Internet, malgré le courrier, malgré toutes ces technologies qui nous servent, et heureusement, ça reste compliqué d'avoir des informations sur les luttes véritablement locales, si ce n'est que, à chaque fois, hein, je pourrais dire que la lutte continue au Chiapas. Hein, à chaque fois, comme toujours, qu'il y a toujours des grandes grèves, même si c'est pas du tout médiatisé, en Argentine et au Brésil. On n'en parle pas, personne n'en parle, mais il y a des grèves qui se passent, des revendications qui se passent. Je salue les anarcho-syndicalistes de la COB au Brésil et de la FORA en Argentine, la FORA qui est toujours là depuis plus de 100 ans maintenant à lutter en Argentine, pour un monde meilleur et pour un monde égalitaire, équitable. Voilà. J'ai, comme toujours, hein, je vais essayer au fur et à mesure des émissions, je pense que ça va venir hein, au fur et à mesure, d'étoffer cette catégorie internationale. Un dernier mot peut-être, Milan ? Non. Pas de dernier mot pour Milan. Est-ce qu'on te retrouvera la semaine prochaine, Milan ? Certainement, si je suis invité. Mais tu es invité, totalement. Tu es invité à venir donner ton point de vue hein, sur ces rendez-vous, ces petites critiques que nous pouvons faire, et ne pas rester simplement à vous donner des dates et des rendez-vous comme ça, sans y apporter notre avis, tout simplement. Enfin, nos avis. Et on va finir avec, eh ben vous le savez maintenant depuis les trois premiers numéros de C'est là que ça se passe, avec la chanson Victoire prochaine du groupe Seconde Chambre, parce que c'est ensemble qu'on y arrivera. Pour notre part, on vous donne rendez-vous lundi prochain, toujours de 13h à 14h30 environ, sur Radio Libertaire. N'oubliez pas, si vous le pouvez et vous le voulez, de soutenir la radio, hein, qui en a besoin, parce qu'elle ne vit exclusivement que par vos dons. Hein. Donc le site internet, le bon de souscription, passer à la librairie Publico pour faire un don, ou prendre la carte d'auditeur-d'auditrice aussi. Voilà, vous avez plusieurs moyens de nous aider, et de vous aider aussi, hein, d'aider la radio, qui est votre radio. Et donc oui, rendez-vous la semaine prochaine, hein, 13h-14h30, avec Milan et moi-même. Et je vous souhaite pour ma part une bonne semaine de lutte. Salut à toutes et à tous.